À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les matelots du navire Kaishan battant pavillon panamien, du navire New Global battant pavillon jamaïcain et du navire Genpu battant pavillon fijien ont organisé un rendez-vous le 7 courant au port de Nampo. Les orateurs ont indiqué que par son leadership éminent et chevronné, Son Excellence Kim Jong-il a transformé la Corée pendant des dizaines d'années en puissance politico-idéologique et militaire, pays capable de construire et de lancer des satellites et possesseurs du nucléaire. Ils ont souligné qu'il a conduit à la victoire la cause d'émancipation du monde. Ils ont expliqué que sous la direction de Son Excellence Kim Jong-un, brillant continuateur des idées et œuvres de Kim Jong-il, la Corée manifeste aujourd'hui dans le monde son prestige et sa force. Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.